بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. هذا بحث في مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة، وهي مسألة إهداء ثواب العمل للميت. أي est-ce qu'on peut faire un عمل et offrir الثواب أي la récompense au ميت à mort. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يلخص الدرس الأول في هذه المسألة المهمة؟ ذكرنا أمورا في الدرس الأول، حكم إهداء ثواب العبادات للميت. تفضل. بعض العمل من الحي يفيد الميت، مثل الصوم والحج والدعاء. بعض الأعمال تفيد الميت. طيب، من يوضح أكثر؟ بعض الأعمال تفيد الميت أي يستفيد منها، كالحج والدعاء، هكذا قال. ها؟ قال العلماء هذا. أحسنت. ونعرفوا أن العلماء اتفقوا أن الميت ينتفع بأمرين. L'unanimité des savants en allemand, il profite dans deux cas. هكذا المسألة. حتى الآن وبسويف الأمور تكون واضحة. الأمر الأول. الصيام. لا. الصيام يا خلاف. لا، أنا بدي أقسام نحن في بسط. الأمر الأول أي ما تسبب فيه الميت. ما تسبب فيه الميت. Ça englobe beaucoup de choses parmi les choses que vous avez dit. Ma tasabba ma fi. Aïe, ce mort, c'est lui la cause. Mathalan, il a construit un masjid, c'est lui la cause. S'il meurt, la récompense, elle continue. Voilà aussi. Hada. Wa hakada ibn Husayn Sa'ih. Et on a vu dans le détail. Al-amru thani. Pas besoin de dire tout ça. Il y a un qism l'awwal, il est fait pour ma tasabbaba fi. Fathani, ma hu? Al-hajj, wa-sadaqa, wa-du'a, wa-siyam. Hada. Au siyam, on l'a cité après, il avait cité al-istighfar. Je vous répète le qawl. Al-amr al-thani, al-du'a, wa-l-istighfar, wa-sadaqa, wa-l-hajj. الصيام نحن لا سيتي أبخي يبقى خلاف إيونا في الراجع. الآن الأمر الأول متفق عليه بين أهل العلم أن ما تسبب فيه هذا الميت يصله الأجر وينتفع، هذا بالاتفاق. سلوي لا كوز إلا إكخان ليفر إلا كونسخون موسكي إلا فين صدقة جارية tout ça comme on a vu les hadiths. الأمر الثاني des عبادات ما تسبب فيها بل ربما إلى التفريط comme on a vu il a pas fait le hajj alors qu'il devait le faire أو un musulman il veut faire une sadaqa pour lui خاصة un proche هذا ينتفع به على الصحيح comme on va voir اليوم. Comment on a cité les أعمال ces أعمال en détail avec الأدلة من كلام شيخ العثيمين et on est arrivé à une مسألة مهمة وهي هل يشرع لغير قريب الميت أن يصوم عنه أو يحج عنه؟ لأن نحن pour ceux qui n'étaient pas dans le premier cours on a conclu أن الحج والصدقة والدعاء والاستغفار tout ça le ميت le mort il en profite. Si une personne elle le fait et son objectif c'est que la récompense c'est pour ce mort, il en profite. حج عن أبيك حج عن نفسك وعن شبرمة tout ces adillas qu'on a dit. الآن est-ce que cette personne qui fait ce amal pour ce mort, est-ce que ça doit être forcément un proche? Mathalan, ton père il est mort. La chakoula raïb, les adillah qu'on a vu, la personne, il fait le hajj pour son père. Bien sûr, comme on a vu, s'il a déjà fait le hajj lui-même, deuxième condition, c'est son père, c'est un musulman. Il fait le hajj pour lui. هذا لا شك. الآن est-ce que moi مثلا je peux faire le hajj pour ton père? J'ai aucun lien avec lui. Aïe de parenté. On a les liens de l'islam. Amma les liens de parenté, c'est pas un qarib pour moi. Est-ce que je peux faire pour lui? Amma siyam. On n'a pas cité de du'a, c'est واضح, tu peux faire pour tous les musulmans. À du'a, tu fais pour jami' al-muslimin. Tu fais pas du'a que pour tes proches. Alors مثلا الآن حصل في نزاع في الصيام والحج. يا خلاف بين اهل العلم في مسألة الصيام والحج. أما الصيام فالعلماء اختلفوا. مسألة الصيام العلماء ils ont divergé. Ils ont trois avis في هذا. قول الأول أنه خاص من ولي. واختار هذا القول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. خم يقول أن الصيام celui qui le fait pour le mort, ce mort musulman, il lui manquait un siyam wajib et il n'avait pas d'excuse. Donc, il est fait dhimma, comme on a expliqué, c'est une dette. Ce musulman qui doit rattraper pour ce mort, ça doit être un proche. Man kana alayhi siyamun, sama anhu waliyuh, ay qaribuh. Hadith Aisha, taqaddam. Ça, c'est le premier qawl, c'est khas pour le wali. Anta, matalan, t'as pas le droit de faire siyam pour un musulman, sauf si c'est un de tes proches. Si c'est pas, t'as pas un lien de parenté, là, yajouz. Ça, c'est le premier qawl. Al-qawl al-thani yajouz, li ajnabi bi idni al-wali, wa huwa marwi an Ahmed. Hada al-qawl, ils autorisent de faire un siyam pour autre qu'un proche, lakin avec la permission du wali. Léan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa sama anhu waliyuh. C'est le proche qui doit faire le siyam. Hada al-qawl, ils disent que si le wali, le responsable, matalan, de ce mayyit, qu'anahu son père, qu'anahu son frère, qu'anahu c'est sa femme, qu'anahu al-muhim al-qarib, s'il donne la permission, falabas, tu le fais. Hada, c'est une riwaya al-imam Ahmed, rahimahullah. Al-qawl al-thalith, yajouz lil-ajnabi bi-idni al-wali ou bidouni. Troisième قول أنه يجوز que le wali il est d'accord ou il n'est pas d'accord بإذنه ou بغير إذنه ou plutôt tu lui demandes la permission أم لا يجوز وهذا القول هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم وهو مذهب الحنابلة قال الحافظ رحمه الله ابن حجر وهو ظاهر الصنيع البخاري وبه جزم أبو الطيب الطبري وهو اختيار كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام il a défendu هذا القول أنه c'est pas réservé pour un proche وحجتهم قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صيام صام عنه وليه celui qui lui manque un siyam أو il doit encore faire un siyam il est mort il lui manque un siyam واجب صام عنه وليه والولي c'est القريب قال شيخ الإسلام أو حجتهم plutôt حديث ابن عباس رضي الله عنه فدين الله أحق أن يقضى فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين شبهه بالدين c'est ça leur dalil et c'est un dalil il est قول. Vous avez remarqué que beaucoup de hadith qu'on avait cité dans la première kalima النبي صلى الله عليه وسلم il comparait ses œuvres. مثلا صحابي venait voir le prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله mon père il n'a pas fait le hajj, est-ce que je fais le hajj pour lui? النبي صلى الله عليه وسلم il lui dit نعم fais le hajj pour lui. ثم souvent النبي صلى الله عليه وسلم il comparait ce amal بالدين il disait والدين الله أحق أن يقضى. Et si tu aurais une dette envers une personne, tu aurais remboursé pour ton père. Et ça, c'est une dette qu'il a envers Allah. Et cette dette, tu dois la payer, la chaque, comme tu payes la dette pour les êtres humains. La Cheikh al-Islam, ils se sont appuyés sur Hada pour montrer al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ce siyam et ce hajj au dayn. Et le dayn, ce n'est pas réservé aux proches. c'est pas réservé aux proches. Abadan. Celui qui rembourse la dette d'un musulman, enfin, inshallah, ce musulman, il a plus cette dette. Maintenant, un mort, il a une dette. On apprend qu'un mort, il a une dette. On ne le connaît pas, nous. On lui dit, un musulman dans tel pays, il est mort et il avait 50 euros de dette. Un de nous, il le rembourse, il a plus cette dette. Ils ont fait le qiyas avec cette personne-là. Et c'est un qawl, il est qadi. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ست الولي في الحديث قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه الجواب أن في الغالب celui qui va faire cette عبادة pour ce mort c'est un proche الغالب هكذا et c'est ça l'avdal والأولى الأفضل c'est que celui qui a un proche qui est mort c'est lui qui fait ce عمل lui-même خاصة الوالدة لأن ça fait partie du bir. Ça fait partie de la piété envers les parents. Ton père il est mort, c'est le fils qui fait le hajj. Ou son frère, ou sa femme, ou son père. Hada, afdal. Lakin si un autre il le fait, on n'a pas de dalil pour dire annahu la yujzi. Hada, khulasat hadi al-masal. Fas-sawab, c'est qu'il y a juz li ghayr al-wali, lakin al-afdal ou al-awla, c'est que c'est un proche qui le fait. Khasat les parents, la personne. Il n'oublie pas le khayr et il fait des efforts pour faire هذا العمل. والحج فكما انه يجوز الصيام فهكذا الحج. Si pour صيام يجوز فالحج كذلك يجوز. Il n'y a aucun فرق. بل الحج c'est une عبادة مالية. فلا شك ان si un autre il le fait يجزي والله اعلم. Ce كلام استفدناه من كتاب مسك الختام شرع عمدة الأحكام لأخينا الشيخ زائد الوصابي وفقه الله. On vous donnera toutes les références à la fin de la kalima. تنبيه. Toutes ces choses qu'on cite الآن من الأعمال. Est-ce que je peux faire cette ibada pour un mort? Un shart c'est que ce mort ça soit un musulman. أما الكافر فلا يحج عنه كذلك الصيام كذلك الدعاء لأنه il est mort على الكفر. Tout ça c'est réservé pour le musulman. هذا سنتنبيه مهم. قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره. Aïe, dans certains cas, comme on a dit. On va voir aujourd'hui, est-ce que c'est pour les autres ibadah. Lakin nahnu, al-an, dans certains cas, le mort y profite. Qala shir nu'taymin, fa inna min shart intifa'ihi an yakun min ahlih. Aïe, an yakun ahlan lil intifa'. C'est pas tout le monde qui peut profiter. Qala shir nu'taymin, wa huwa al-muslim. Celui qui est mort, il faut que ce soit un musulman. Et celui qui fait l'amal, il faut que ce soit un musulman. أما الكافر لا قال فأما الكافر فلا ينتفع بما أهدي إليه من عمل صالح ولا يجوز أن يهدي إليه كما لا يجوز أن يدعى له ويستغفر له يعني أما الكافر لا ولو سابخش ولو سابخو مم الدعاء لا يجوز سأكافر إلى مو على الكفر لا بخصان يدوى لدتست بالله لأنه سأكافر قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم خاصة النص في المسألة. Les croyants ils ont pas le droit de demander pardon à un mushrik. Ça c'est du'a la yajouz. S'il est mort. Mais s'il est vivant et la personne il fait du'a qu'Allah il le guide, yajouz. نحن الآن نقول s'il est mort. لأنه انقطع عمله إلى مور على الكفر لا ينفعه شيء لا شفاعة لا استغفار لا دعاء لا شيء إلى في النار خالدين فيها إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هكذا قال عز وجل وفي السنة ولدي حديث في هذا عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن جده العاص بن وائل السهمي il est mort à l'al-kuf. Le grand-père de Abdullah ibn Amr, le père de Amr. Abdullah et Amr, c'est des sahabes. Le père de Amr, le grand-père de Abdullah, Wa'il, ou Al-As ibn Wa'il, il est mort à l'al-shirk. Qala, awsa, a yu'taq anhu mi'at raqaba. Hada al-mushrik. Il a écrit un testament dans son testament. S'il meurt, ses enfants, il libère 100 esclaves. أي إذا الأجر sans esclave. قال فأعتق ابن هشام 50 رقبة. Un de ses fils s'appelle Hisham. Il a libéré 50 esclaves, la moitié, pour son père. قال وأراد ابنه عمرو ابن العاص أن يعتق عنه الخمسين الباقية. Son fils Amr, il voulait libérer les 50 autres esclaves. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم بلغه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من كونديسيون إنه لو كان مسلما si c'était un مسلم ça lui aurait été utile لكن c'était pas un مسلم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله. وفي صحيح مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé l'autorisation à Allah عز وجل de demander pardon à sa mère. Sa mère elle est pas morte à l'islam. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدمر. قال صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لي أو فلم يأذن لي. نعم الله سبحانه وتعالى il lui a refusé لأنها elle n'est pas morte à l'islam. قال صلى الله عليه وسلم واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à Allah عز وجل de visiter la tombe de sa mère. Allah lui a donné l'autorisation. هذا ça montre qu'on a visité les tombes des kuffar et yajouz. Pas pour faire du'a. Rubama c'est un rappel pour toi. Rubama la personne il a un proche qui est mort à l'al-kuffar. Ça l'apaise. Amma al-du'a. Ou faire un amal là ou l'istighfar. Abadan la yajouz. لأنه لا ينفعه شيء لا ينفعه شيء لمر على الكفر لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هكذا إلى محبوط العمل. هذا الآن نستفيد من أن toutes ces مسائل qu'on a vu et qu'on verra c'est pour le muslim. أما الكافر لا. Il y en a beaucoup de personnes qui posent ces questions. كذلك j'ai une mère, j'ai un père, il est mort على الكفر, est-ce que je peux faire? لا يجوز لا دعاء ولا شيء. الآن on commence une nouvelle مسألة وهي les autres عبادات. الآن يدي عبادات هي الاتفاق إجماع أهل العلم كم دعاء كم صدقاء يلون الميتة دسابة. كذلك les causes dont le mort il a fait, que le mort il a fait, maintenant il a construit une mosquée, tout ça, ça c'est bil ijma' anna le mort il profite. Al-an, toutes les autres ibadat, salat, à offrir du dhikr, à lire le Coran, maintenant une personne il lit le Coran et sa niya, c'est que la récompense qu'il a, il l'offre à un mort. Maintenant son père il est mort. Et huwa sa niya, il ouvre le mushaf. Il lit le Coran. تعلمون أن حديث ابن مسعود أن chaque lettre la personne il a 10 حسنات. فهو ces 10 حسنات il les offre à son père ou à sa mère qui est mort. هذا الآن est-ce que يجوز أم لا يجوز. Jusqu'à présent nous on a cité des عبادات bien précises avec des adillah. الآن est-ce qu'on peut comparer toutes les autres عبادات à ce qu'on a cité. C'est là le khilaf qui est entre أهل العلم. Et c'est ça qu'on avait cité avec l'Ikhwan dans le Sharh al-Tahawi. Les ulama ont échangé. Le premier avis est que le mort atteint tous les bénéfices des ibadats. Et il profite de cela. Ça c'est le premier avis. أنه n'importe quelle عبادة que ça soit celle qu'on a cité avant ou des autres le mort il profite. هذا c'est un قول. ومثلاً une personne il fait du dhikr et sa niya c'est que la récompense c'est pour tel mort ce mort il profite. La récompense c'est lui qui profite de ses hasanat. Ça c'est le premier قول. Et c'est le قول de l'imam Ahmed. كذلك قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم رحم الله الجميع. الإمام أحمد أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي هؤلاء ils ont choisi ce قول. Et on va voir leurs arguments. ونصر هذا القول كذلك بقوة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. Ça c'est le premier قول. القول الثاني On citera après leurs arguments et on verra c'est lequel des deux qawls le plus proche du Coran. القول الثاني أنه لا يصل الميت إلا من نص الدليل على مشروعيته أو على مشروعية إهدائه وهي الدعاء والصدقة والحج والصوم كما نصيته بعض دوزيام قول أن المور يبخفت كدي زفر كنا نصيته بعض بك لأدلة Les autres, عندهم لا Est-ce que tu peux lire le Coran pour un mort Bien sûr, ta niya c'est l'illah, c'est une ibada. Lakin la récompense, t'espères que ce mort, elle vient à ce mort. عندها أولى لا لأن لا بد من دليل. Et il n'y a pas de دليل على هذا. قال وهو قول الإمام مالك والمشهور من مذهب الشافعي. نعم, c'est قول الإمام الشافعي. رحمهم الله. الإمام أحمد وأبو حنيفة يزوم في القول الأول الإمام مالك والإمام الشافعي يزوم في القول الثاني واختار هذا القول العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى كذلك الشيخ الألباني الشيخ ابن باز والشيخ الألباني يزوم شوازي سقو أي أنه لا ينفعه إلا ما جاء به الدليل أما الأدلة قبل هذا Je vous pose la question, أنا ما هو القول الراجح عندما C'est quoi le قول الراجح Et pourquoi Avant qu'on lise. تفضل. الأظهر القول الأول. ما هو القول الأول لماذا لماذا إلى الآن؟ لا القول الجلاديلي طيب لكن ماذا حصل؟ قال الأخ مثلا نبغت كالعمل من سنة مثلا تحية المسجد سوبليكاتو على الصحيح أو أن ذكر مستحب مثلا أنت تجي أن فخير تريو موتر ثم تمر Faut qu'il le fait à l'ajr. Lakin, est-ce que ça rentre dans notre mas'ala? Limada? Ahsan, c'est le sabab. Il rentre dans l'ittifaq. Lui, c'est un sabab viada. Lui, c'est comme s'il avait écrit un livre, ou enregistré un dars, et il a l'ajr. Ça n'a rien à voir. Al-an, on est fil ibadat, il n'a aucun lien. Un musulman, maintenant, al-an, un frère, il prend le mus'haf, et il dit, je lis, et inshallah, la récompense, c'est pour mon père, il est mort. Hal yajouz? Limada? فالراجح ذي القول الثاني قد يقول قائل سيكو المانع سي سي اوتوريزي في العباده لماذا سا سري با اوتوريزي في هذا نقرا اي اون ريغارد الحجه دي قول ابن القيم ان شاء الله ننظر فيه اما ادله اصحاب القول الثاني فتقدمت اما لي بروف دو دوزيام قول اي لو فات كون اي ريستران ا سيرتين عبادات تقدم الحج والصيام والصدقة والدعاء dans la première kalima on avait cité chaque amal avec un délit هذا تقدم فالور دليل سيساهم اصحاب القول الثاني اي الامام مالك والامام الشافعي وغيرهم يدين انهم on a des dalil pour le hajj on peut faire le hajj on a des dalil pour le siyam on peut faire le siyam autre que ça هذا سيسا لهم عدل بقي القول الاول ceux qui autorisent أما أصحاب القول الأول استدلوا بنفس الأدلة ils ont pris les mêmes دليل les mêmes أدلة لكن ils ont fait le قياس ils ont dit si c'est autorisé pour le حج et pour صيام il est où le problème de faire un autre عبادة أنت si tu lui dis il n'y a pas de دليل il te dit il y a un دليل وهو أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم qu'ils ont demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu par rapport à leur question. Mathalan, Sahabi, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mon père, il n'a pas fait le hajj. Est-ce que je fais le hajj pour lui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, na'am. En fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Ibn al-Qayyim, comme on va voir, yaqul, si un autre il serait venu et il aurait demandé notre ibadah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, na'am. Léana, pour lui, il n'y a pas de fin contre les ibadahs. Si celle-là, elle est autorisée, l'autre, elle est autorisée. C'est ça leur hujja. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est bon, t'es revenu à ce qu'on. C'était un maliki, c'est devenu un hanbali, Ismaïl. Hein? Al-Qiyas. Limada. خاصنا دونك نو با بغى الحد خاص لمن احسنت لا اما هذا القياس اللي في نظر سياتي كلام اهل العلم اولا ولي لا بارول ابن القيم حتى تفهموا قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح قال هذه النصوص متظاهره على وصول ثواب الاعمال الى الميت اذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس اي pour lui tous les adillah qu'on a cité الحج والصيام والدعاء ابن القيم il les accepte لا شك et pour lui ça montre que c'est valable pour tous les amal لأنه c'est le qiyas si ce amal il est valable l'autre il est valable قال فإن التواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته ابن القيم il compare أن العمل c'est celui de la personne. Il compare ça avec l'amal fi dunya. Mathalan, anta tu travailles. Tu travailles. T'as un salaire. T'as le droit de donner ton argent à un musulman. C'est ton salaire. Ibn al-Qayyim te dit c'est la même chose. Là. C'est tes hasanat. T'as le droit de donner tes hasanat à Fulan. C'est quoi le jawab? Ça se complique. Fadal. مثلاً لميت إلى عندك عند ابن القيم ton salaire tu peux payer sa dette هكذا عنده أو tu peux faire une sadaqa pour lui avec ton mère ça lui arrive فلماذا pour lui les autres عبادات لا c'est ça la question الآن qu'il faut se poser تفضل أحسن أن أولاً القياس الآن il est une chose de donner avec une عبادة هذا في نظر لأن العبادة للتوقيفية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذا قال ابن القيم رحمه الله وإبرائه له من بعد موته والعبادات قسمة ثم يكونتني رحمه الله يتموت كل عبادات يدوك التقوم مالية وبدنية المالية سدي عبادات كيزون رابور avec l'argent كالزكاة بدنية سدي عبادات ils ont pas rapport avec l'argent c'est tes membres كالصلاة قال وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية الآن ابن القيم il essaye de démontrer أن الصدقة بالاتفاق que le mort il en profite c'est une ibada ماذا الصدقة بدنية أو مالية مالية rapport avec l'argent pour ابن القيم toutes les عبادات qu'on rapport avec l'argent ça rentre تحت الصدقة في القياس ثم قال ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية الصوم على الصحيح le mort il en profite c'est une عبادة بدنية ابن القيم il te dit وهكذا toutes les عبادات بدنية pour lui c'est مجرد des exemples رحمه الله qui sont fondés sur des dalils et il fait le qiyas pour les autres قال وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاث ثابتة كذلك الحج le mort il en profite الحج c'est بدنية مالية les deux خاصة ceux qui viennent de loin t'as besoin d'argent فابن القيم الآن il te dit les trois ils sont présents المالية البدنية المالية البدنية pour lui tu fais le qiyas sur tous les autres tout est valable هذا c'est son قول رحمه الله وبالله التوفيق قال فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق ça c'est كلام ابن القيم رحمه الله et c'est les preuves de أصحاب القول الأول ثم الرد على أصحاب القول الثاني dans كتاب الروح le passage il est assez long ثم يرد عليه لكن خلاصة القول c'est هذا أما الترجيح الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني il est أقوى أي القول qui dit que tu t'arrêtes أدلة Et tu ne fais pas de qiyas. Wahada li umur. On va citer des points l'un limada, on a choisi ce qu'on. Wahakada, talib l'ilm. Quand il y a un khila veina ahl l'ilm, et tu choisis un qawl, la personne ne choisit pas ce qawl. Li annahu, il y a un grand nombre. Ou li annahu, c'est une facilité. Ou li annahu, c'est en concordance avec le hawa. La yajouz. Tout ça, c'est muharram. La personne, il choisit un qawl. s'il a la capacité de rajah, avec des points, il tranche entre les deux qawl, il rajah. S'il n'a pas la capacité, il s'al ahl al-ilm, il fait des recherches. Hatta yaftah Allahu alayhi. Amma trancher, il y en a, Cheikh Foulan il est dans ce qawl, c'est juste, abadan, ça c'est pas min al-ilm. Ça c'est min al-jah, et min al-taqli. Alors nous, maintenant, on a choisi ce qawl, les amours. Awalan, أن القياس في هذه المسألة فيه نظر. القياس في فد كومباري الحج والصيام والدعاء والصدقة قضاء الدين tout ce qu'on a vu avec toutes les عبادات فيه نظر. Le fait de comparer. قال الإمام النووي رحمه الله وكل هذه المذاهب ضعيفة أي القول بأن الميت تصل إليه ثواب جميع العبادات. L'imam Nawawi, c'est un Shafi'i al-Madhab. Il a choisi le qawl de l'imam al-Shafi'i. Et il montre qu'on a le qawl, l'autre, le qiyas, il montre qu'il est daïf. Qala, walakin hadhi al-madhahib daïfa, wa dalilhum al-qiyas. Ce qawl, il est faible, il est daïf. Leur preuve, c'est le qiyas. Ça, c'est le qawl imam al-Nawawi. Al-An, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il va détailler pourquoi ce qiyas, il n'est pas bon. Qala, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ou, اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات فاسر قول ذو من؟ الشيخ ابن باز يغبط قول ذو من؟ ابن القيم إيه؟ Ceux qui étaient avant lui et après lui. Avec que toutes les ibadat, tu peux les faire pour moi. Qala Cheikh Ibn Baz, wa qasu dhalika ala as-sadaqa wa ad-du'a lil amwat wa ghayrihim, walakin as-sawab huwa al-qawl al-awwal. Cheikh Ibn Baz, il a choisi le qawl. Quand il dit le qawl awwal, nous c'est le qawl al-thani. Bien, nous c'est pas les mêmes nuqula. Al-muhim, il choisit le qawl comme quoi tu t'es restreint aux ibadat qui sont cités dans les hadiths. Tu n'as pas le droit des autres, faire les autres. Qala wal ibada la yajuz bi al qiyas. Ah, il ne faut pas oublier. An al ibada, c'est quelque chose de mahab. Ahyanan, il n'y a pas d'illa. Ta'lamoun an al qiyas, pour faire le qiyas, il faut une chose. C'est quoi? On l'a vu, puis durant au sol fiqh. Vous vous rappelez, pour faire le qiyas, il faut une chose importante. C'est quoi? La basse. L'alcool c'est interdit. Il y a des autres boissons, Rubama, t'as pas de délit. Lakin, tu vas faire un qiyas avec l'alcool. Les mains là, il y en a les deux, elles sont. C'est quoi le shaba? Elles enivrent la personne, elles escarrent. Enfin, pour faire le qiyas, il faut que tu aies la même illa. Il faut que tu aies la même illa. Maintenant, cette chose, elle te fait perdre la raison, c'est haram. Et là, tu peux faire du mal. Une autre chose qui fait perdre la raison, elle rentre dans ce délit. On fait le qiyas. Les anoum, ils ont la même illa. Tu peux te faire du mal, tu peux te faire du mal. Tu perds la raison, tu perds la raison. Ils ont le même hukm, c'est haram. C'est ça le qiyas. Al-an, est-ce qu'on peut faire ça avec l'ibada? L'ibada? Aïndak? Par exemple, là, on est avec l'ibada. Restez avec l'ibada. Non, on peut pas faire un qiyas au qifi. Pourquoi? C'est ça la question. Ahsant. C'est ça la réponse. Maintenant, ad-dhuhr 4 rak'a. Tu sais pourquoi c'est 4, pourquoi pas c'est 2? Ou pourquoi pas c'est 6? L'ibada c'est tawqifiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit une chose, tu le veux. Pourquoi on fait le hajj une fois par an? Pourquoi ça serait pas 2? La yajouz. C'est une ibada mahda. Allah, il a dit une fois par an, c'est une fois par an. On se soumet. Enfin, tu peux pas faire le qiyas. Tu peux pas faire le qiyas le hajj avec la lecture du Coran. Abadan. Amal akh. Ali, dès qu'il a dit ça aboutit pas la même chose, si. Il y en a l'aboutissement des deux ibadats, c'est l'agrément d'Allah. La réponse c'est, on ne sait pas c'est quoi l'illa, les anas, c'est une ibadah mahda. C'est ça le jawab. Fal qiyas, min hada al wajhi nazar. Al qiyas, tu le fais dans des choses où les illa sont ma'rouf. Maintenant, les drogues, c'est interdit, les anas, le mal c'est le même. Amma l'ibadah, là. L'ibadah, c'est un amr min Allah, c'est une ibadah mahda. Tu ne peux pas parler de illa. ففي هذا الحال القياس إلى بعيد هذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله والعبادة لا يجوز فيها القياس ولا يشبكي بخوة قال لأنها توقيفية كما قال الأخ لأنها توقيفية tu peux pas parler de علل أو إلحاق هذا بهذا لا t'as un دليل t'as pas de دليل tu fais pas قال لأنها توقيفية ولا يثبت ولا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم et on a un دليل بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ça montre que l'ibada est توقيفيه. واحد te dit maintenant on peut lire le Coran pour un mois. C'est quoi ton délire? Il va te dire mais si on peut pour le Hajj siam c'est qu'on peut là. Et le Nabi sallam nous a montré celui qui fait un amal, il est obligé d'avoir un délire. T'as pas de délire, tu t'arrêtes. هذا كلام شيخ ابن باز كما ترى لي قول. Donc le premier point on a رجح القول الثاني اي قول المنع ان القياس فيه نظر. الثاني et ça suit أن العبادة توقيفية. On l'a vu dans le premier. كذلك ولم يعمل السلف بهذا الأمر. كذلك عمل السلف. لأن قد يقول قائل la compréhension des savants. صحيح. لكن on peut se poser la question نحن لماذا السلف ils ont pas fait هذا؟ Il n'y a aucun دليل أن السلف يلزم القرآن pour les morts. أو مثلا أحد الأئمة يفي دو ركعة مثلا أي دي ثانية سي pour un mort. هذا c'est pas معلوم عند السلف أبدا. قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب. هذا كلام ابن كثير وغاجت ابن كثير الآن وزمان كيز نرجح لقول كنا شوز شيخ بن باز شيخ الألباني الإمام الشافعي الإمام مالك ابن كثير كذلك. Le Kathir Yaqul, une personne qui meurt, si tu fais un mal, il n'a aucune responsabilité. Tant que ça n'a pas été un sabab, bien sûr. Kadhalik le bien. Le bien, il ne le reçoit pas, kadhalik le mal. Illa ma ja'a dalil. Imma il est responsable, imma il y a un dalil, comme on l'a vu. Qala illa ma kasaba huwa li nafsi, wa min hadhi al-aya al-karima, stambata al-shafi'i rahimahullah, wa man tabi'ahu anna al-Qur'an, anna al-qira'a, qira'a al-Qur'an, la tasil. أو لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من أعمالهم ولا كسبهم. الإمام ابن كثير لا شوزي كلام الشافعي. كذلك ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه إلى perdu des proches musulmans qu'il aime. Si ça serait مشروع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب il aurait fait des choses pour eux. مثلا خديجة رضي الله عنها. Son oncle Hamza. Les musulmans, salihin, les sahaba. هذا on rajoute adilla. Si c'est mashrou, ce qiyas, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a pas fait? Ou au minimum, il nous montre une ishara. لا شيء من هذا. قال ولا حثهم عليه ولا ارشدهم اليه بنص ولا ايماء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a pas montré même pas un signe بهذا. هذا قول ابن كثير c'est le راجع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينظرهم شر ما يعلمه لهم. كذلك هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن chaque bien les prophètes ils montrent à leur umma et chaque mal ils mettent en garde. Si ça serait un bien, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ne l'a pas montré ولو إشارة. لماذا؟ ça montre أن الراجح c'est qu'on s'arrête إلى الدليل. أما التوسع هذا لا. الحديث كنا سيتيلي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. et c'est nous qui l'avons rajouté. ابن كثير il a pas cité. قال ابن كثير رحمه الله ولم يقل ذلك عن أحد من الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح. الصحابة ils ont perdu des proches. ils ont perdu des proches كثيرا في الجهاد وفي غير الجهاد. on n'a pas des récits من الصحابة qui faisaient هذا. Il récite le Coran pour Fulan, ou Fulan il fait drak'at pour Fulan, ou Fulan il fait siyam tatawwu' pour Fulan. Il n'y avait pas min hada. Chacun faisait pour lui. Illa ma ja'a bihi ad-dalil. Qala wa bab al-qurubat yuqtas fihi, ou yuqtas, na'am, yuqtasir fihi ala an-nusus, wa la yutasarraf fihi bi anwa' al-aqisa wal-ara. Ça c'est la conclusion. Ibn Kathir il montre أن العبادات لا غير سيكون غيست على الأدلة. أما الأقيسة كمباري أو الآراء منافي ستل في العبادات تأنص تفا تفض نص شو تعرف. فالاقتصار على الأدلة والعبادات أمر مهم. c'est pour ça que ça renforce le قول qu'on a choisi. ذهب الوقت. نعم. on voulait finir aujourd'hui لكن الله مستعان. ما يبغى في الأدان وباقي كثير. إن شاء الله فيني دمان أمر سهل. من عنده شيء؟ تفضل رشيد. نعم عمره بك الحج نفس الشيء. لا لأن توتي في العمرة مثلا أنت بضل العمرة لا شك تبقى فيه بكوت شوز مثلا بضل العمرة تبقى فيه الصلاة لا شك تبقى فيه الصلاة خلاص الصلاة c'est pour toi أنت ce que tu donnes au meilleur c'est une bonne question c'est que مثلا si tu fais le hajj ou العمرة c'est que la عبادة que tu fais pour lui مثل الصيام أنت tu fais le صيام toute la journée le hajj il est pour le mort est-ce que الصلاة que tu vas faire ce jour elle est pour le mort là ça reste صيام الحج كذلك c'est que le hajj dès que tu fais le tawaf السعي عرفة tout ça c'est pour la récompense elle est au mort أما les salats que tu fais le dhikr le Coran c'est pour toi أحسنت تفضل سورة بعد هذا مع تحية دماج افاق.com